Chapitre 4. Ce que le gouvernement a tenté et ce que les privilégiés proposent en faveur du tiers. Le gouvernement, entraîné non par des motifs dont on puisse lui savoir gré, mais par ses fautes, convaincu qu'il ne pouvait y remédier sans le concours volontaire de la nation, a cru s'assurer de sa part un consentement aveugle à tous ses projets en offrant de faire quelque chose pour elle. Dans cette vue, M. de Calonne proposa le plan des assemblées provinciales. Premier point, les assemblées provinciales. Il était impossible de s'occuper un moment de l'intérêt de la nation sans être frappé de la nullité politique du tiers. Le ministre a senti même que la distinction des ordres était contraire à toute espérance de bien. Et il a projeté, sans doute, de la faire disparaître avec le temps. C'est du moins dans cet esprit que le premier plan des assemblées provinciales paraît avoir été conçu et rédigé. Il ne faut que le lire avec un peu d'attention pour s'apercevoir qu'on n'y avait pas égard à l'ordre personnel des citoyens. Il n'y était question que de leur propriété ou de l'ordre réel. C'était comme propriétaire et non comme prêtre, noble ou roturier qu'on devait être appelé dans ces assemblées, intéressantes par leur objet, bien plus importantes encore par la manière dont elles devaient se former, puisque par elles s'établissait une véritable représentation nationale. Quatre espèces de propriétés étaient distinguées. Premièrement, les seigneuries, ceux qui les possèdent, nobles ou roturiers, ecclésiastiques ou laïcs, devaient former la première classe. On divisait en trois autres classes les propriétés ordinaires ou simples, par opposition aux seigneuries. Une distribution plus naturelle n'en aurait formé que deux, indiquées par la nature des travaux et la balance des intérêts, à savoir les propriétés de la campagne et celles des villes. Dans ces dernières, on aurait compris avec les maisons tous les arts, fabriques, métiers, etc. Mais on croyait sans doute que le temps n'était pas encore venu de fondre dans ces deux divisions les biens ordinaires ecclésiastiques. Ainsi, on avait cru devoir laisser les biens simples du clergé dans une classe séparée. C'était la seconde. La troisième comprenait les biens de la campagne et la quatrième, les propriétés des villes. Remarquez que trois de ces sortes de propriétés, étant indistinctement possédées par des citoyens des trois ordres, trois classes sur quatre auraient pu être composées indifféremment de nobles, de roturiers ou de prêtres. La deuxième classe elle-même aurait contenu des chevaliers de Malte, et même des laïcs pour représenter les hôpitaux, les fabriques paroissiales, etc. Il est naturel de croire que les affaires publiques se traitant dans ces assemblées, sans égard à l'ordre personnel, il se serait bientôt formé une communauté d'intérêts entre ces trois ordres qui aurait été par conséquent l'intérêt général. Et la nation aurait fini par où toutes les nations auraient dû commencer, par être une. Tant de bonnes vues ont échappé à l'esprit si vanté du principal ministre. Ce n'est pas qu'il n'ait très bien vu l'intérêt qu'il voulait servir, mais il n'a rien compris à la valeur réelle de ce qu'il gâtait. Il a rétabli la division impolitique des ordres personnels. Et quoique ce seul changement entraîna la nécessité de faire un nouveau plan, il s'est contenté de l'ancien pour tout ce qui ne lui paraissait pas choquer ses intentions. Et il s'étonnait ensuite des mille difficultés qui sortaient tous les jours du défaut de concordance. La noblesse, surtout, ne concevait pas comment elle pourrait se régénérer dans des assemblées où l'on avait oublié les généalogistes. Ses anxiétés, à cet égard, ont été plaisantes pour les observateurs. Parmi tous les vices d'exécution de cet établissement, le plus grand a été de le commencer par les toits au lieu de le reposer sur ses fondements naturels, l'élection libre des peuples. Mais au moins ce ministre, pour rendre hommage aux droits du tiers, lui annonçait-il un nombre de représentants pour son ordre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis. L'institution est positive sur cet article. Qu'en est-il arrivé? Que l'on a fait nommer des députés au tiers parmi les privilégiés. Je connais une de ces assemblées où, sur 52 membres, il n'y en a qu'un seul qui ne soit pas privilégié. C'est ainsi qu'on sert la cause du tiers, même après avoir publiquement annoncé qu'on veut lui rendre justice. Deuxième point, les notables. Les notables ont trompé l'espoir de l'un et l'autre ministre. Rien n'est plus juste à leur égard que l'excellent coup de pinceau de M. C. Citation. Le roi les a rassemblés deux fois autour de lui pour les consulter sur les intérêts du trône et de la nation. Qu'ont fait les notables en 1787 ? Qu'ont fait les notables en 1788 ? Ils ont défendu leurs privilèges contre la nation. Fin de citation. C'est qu'au lieu de consulter des notables en privilège, il aurait fallu consulter des notables en lumière. Les plus petits particuliers ne s'y trompent pas lorsqu'ils ont à demander conseil dans leurs affaires ou dans celles des gens qui les intéressent véritablement. Monsieur Necker s'est abusé. Mais pouvait-il imaginer que ces mêmes hommes, qui avaient voté pour admettre le tiers en nombre égal dans les assemblées provinciales, rejetteraient cette égalité pour les États généraux ? Quoi qu'il en soit, le public ne s'y est pas trompé. On l'a toujours entendu désapprouver une mesure dont il prévoyait l'événement et à laquelle, dans la meilleure supposition, il attribuait des lenteurs préjudiciables à la nation. Il semble que ce serait ici le lieu de développer quelques-uns des motifs qui ont inspiré la majorité des derniers notables. Mais n'anticipons pas sur le jugement de l'histoire. Elle ne parlera que trop tôt pour des hommes qui, placés dans la plus belle des circonstances, et pouvant dicter à une grande nation ce qui est juste, beau et bon, ont mieux aimé prostituer cette superbe occasion à un misérable intérêt de corps. Les tentatives du ministère, comme l'on voit, n'ont pas produit d'heureux fruits en faveur du tiers. Troisième point, les écrivains patriotes des deux premiers ordres. C'est une chose remarquable que la cause du tiers ait été défendue avec plus d'empressement et de force par des écrivains ecclésiastiques et nobles que par les non-privilégiés eux-mêmes. Je n'ai vu dans les lenteurs du tiers-état que l'habitude du silence et de la crainte dans l'opprimé. Ce qui présente une preuve de plus de la réalité de l'oppression. Est-il possible de réfléchir sérieusement sur les principes et la fin de l'état de société sans être révolté jusqu'au fond de l'âme de la monstrueuse partialité des institutions humaines ? Je ne suis point étonné que les deux premiers ordres aient fourni les premiers défenseurs de la justice et de l'humanité. Les talents tiennent à l'emploi exclusif de l'intelligence et aux longues habitudes. Les membres de l'ordre du tiers doivent par mille raisons y exceller, mais les lumières de la morale publique doivent paraître d'abord chez des hommes bien mieux placés pour saisir les grands rapports sociaux et chez qui le ressort originel est moins communément brisé. Car il est des sciences qui tiennent autant à l'âme qu'à l'esprit. Si la nation parvient à la liberté, elle se tournera, je n'en doute point, avec reconnaissance vers ces auteurs patriotes des deux premiers ordres qui, les premiers, abjurant de vieilles erreurs, ont préféré les principes de la justice universelle aux combinaisons meurtrières de l'intérêt de corps contre l'intérêt national. En attendant les honneurs publics que la nation leur décernera, puissent-ils ne pas dédaigner l'hommage d'un citoyen dont l'âme brûle pour une patrie libre et adore tous les efforts qui tendent à la faire sortir des décombres de la féodalité. Certainement, les deux premiers ordres se sont intéressés à rétablir le tiers dans ses droits. On ne doit point se le dissimuler. Le garant de la liberté publique ne peut être que là où est la force réelle. Nous ne pouvons être libres qu'avec le peuple et par lui. Si une considération de cette importance est au-dessus de la frivolité et de l'étroit égoïsme de la plupart des têtes françaises, au moins ne pourront-elles s'empêcher d'être frappées des changements survenus dans l'opinion publique. L'empire de la raison s'étend tous les jours davantage. Il nécessite de plus en plus la restitution des droits usurpés. Plus tôt ou plus tard, il faudra que toutes les classes se renferment dans les bornes du contrat social. Sera-ce pour en recueillir les avantages innombrables, ou pour les sacrifier au despotisme? Telle est la véritable question. Dans la nuit de la barbarie et de la féodalité, les vrais rapports des hommes ont pu être détruits. Toutes les nations ont pu être bouleversées et toute justice corrompue. Mais au lever de la lumière, il faut que les absurdités gothiques s'enfuient, que les restes de l'antique férocité tombent et s'anéantissent. C'est une chose sûre. Ne ferons-nous que changer de mot? Ou l'ordre social, dans toute sa beauté, prendra-t-il la place de l'ancien désordre? Les changements que nous allons éprouver seront-ils le fruit d'une guerre intestine, désastreuse à tous égards pour les trois ordres, et profitable seulement au pouvoir ministériel, ou bien seront-ils l'effet naturel, prévu et bien gouverné, d'une vue simple et juste, d'un concours heureux, favorisé par des circonstances puissantes et promu avec franchise par toutes les classes intéressées. Quatrième point, promesse de supporter également les impositions. Les notables ont exprimé le vœu formel de faire supporter les mêmes impositions par les trois ordres. Ce n'était pas sur cet objet qu'on leur demandait leur avis. Il s'agissait de la manière de convoquer les États généraux et non des délibérations que cette assemblée aura à prendre. Ainsi, on ne peut regarder ce vœu que comme celui qui est émané des pairs, du Parlement, et enfin de tant de sociétés particulières et d'individus qui s'empressent aujourd'hui de convenir que le plus riche doit payer autant que le plus pauvre. On sent très bien que si les contributions avaient été ce qu'elles doivent être, un don volontaire de la part des contribuables, le tiers n'aurait pas voulu se montrer plus généreux que les autres ordres. Nous ne pouvons le dissimuler, un concours aussi nouveau a effrayé une partie du public. Il est bon sans doute et louable de se montrer d'avance disposé à se soumettre de bon cœur à une juste répartition d'impôts lorsqu'elle aura été prononcée par la loi. Mais d'où viennent, s'est-on dit, de la part du second ordre, un zèle si nouveau, tant d'accords et tant d'empressement? En offrant une cession volontaire, espérerait-il dispenser la loi d'en faire un acte de justice? Trop d'attention à prévenir ce que doivent faire les États généraux ne pourrait-il pas tendre à s'en passer? Je n'accuse point la noblesse de dire au roi « Sire, vous n'avez besoin des États généraux que pour rétablir vos finances, eh bien, nous offrons de payer comme le tiers. Voyez si cet excédent ne pourrait pas nous délivrer d'une assemblée qui nous inquiète plus que vous. » Non, non, cette vue est impossible à supposer. On pourrait plutôt soupçonner la noblesse de vouloir faire illusion au tiers, de vouloir, au prix d'une sorte d'anticipation d'équité, donner le change à ses pétitions actuelles et le distraire de la nécessité pour lui d'être quelque chose aux États généraux. Elle semble dire au tiers, « Que demandez-vous? Que nous payions comme vous? Cela est juste, nous paierons. Laissons donc l'ancien train des choses où vous n'étiez rien, où nous étions tout, et où il nous a été si facile de ne payer que ce que nous avons voulu. » Le tiers peut répondre, « Il est temps, assurément, que vous portiez comme nous le poids d'un tribut qui vous est bien plus utile qu'à nous. Vous prévoyez très bien que cette monstrueuse iniquité ne pouvait pas durer davantage. Si nous sommes libres dans nos dons, il est clair que nous ne pouvons en faire de plus abondants que les vôtres. Oui, vous paierez, non par générosité, mais par justice. Non parce que vous le voulez bien, mais parce que vous le devez. Nous attendrons de votre part un acte d'obéissance à la loi commune, plutôt que le témoignage d'une insultante pitié pour un ordre que vous avez si longtemps traité sans pitié. Mais c'est aux États généraux que cette affaire doit se discuter. Il s'agit aujourd'hui de les bien constituer. Si le tiers n'y est pas représenté, la nation y sera muette. Rien ne pourra s'y faire validement. Lors même que vous trouveriez le moyen d'établir partout le bon ordre sans notre concours, nous ne pouvons pas souffrir qu'on dispose de nous sans nous. Une longue et funeste expérience nous empêche même de croire à la solidité d'aucune bonne loi qui ne serait que le don du plus fort. Les privilégiés ne se lassent pas de dire que tout est égal entre les ordres, du moment qu'ils renoncent aux exemptions pécuniaires. si tout est égal, que craignent-ils des demandes du tiers? Imagine-t-on qu'il voulût se blesser lui-même en attaquant un intérêt commun? Si tout est égal, pourquoi tous ces efforts pour l'empêcher de sortir de sa nullité politique? Mais je demande, où est la puissance miraculeuse qui garantira à la France l'impossibilité d'aucun abus dans aucun genre, par cela seul que la noblesse paiera sa quote-part de l'impôt? Que s'il subsiste encore des abus et des désordres, indépendamment de ceux qui touchent à l'impôt, qu'on m'explique comment tout peut être égal entre celui qui en jouit et celui qui en souffre. Tout est égal. C'est donc par esprit d'égalité qu'on a prononcé au tiers l'exclusion la plus déshonorante de tous les postes, de toutes les places un peu distinguées? C'est par esprit d'égalité qu'on lui a arraché un surcroît de tribut pour créer cette quantité prodigieuse de ressources en tout genre, destinées exclusivement à ce qu'on appelle la pauvre noblesse? Dans toutes les affaires qui surviennent entre nos privilégiés et un homme du peuple, celui-ci n'est-il pas assuré d'être impunément opprimé, précisément parce qu'il faut recourir, s'il ose demander justice, à des privilégiés? Eux seuls disposent de tous les pouvoirs. Et leur premier mouvement n'est-il pas de regarder la plainte du roturier comme un manque de subordination? Pour qui sont tous ces privilèges en matière judiciaire, les attributions, les évocations, les lettres de surséance, etc., avec lesquelles on décourage ou l'on ruine sa partie adverse? Est-ce pour le tiers non privilégié? Qui sont les citoyens les plus exposés aux vexations personnelles des agents du fisc et des subalternes dans toutes les parties de l'administration? Les membres du tiers. J'entends toujours du véritable tiers, de celui qui ne jouit d'aucune exemption. Les lois, qui devraient au moins être exemptes de partialité, se montrent elles-mêmes complices des privilèges. Pour qui paraissent-elles être faites? Pour les privilégiés. Contre qui? Contre le peuple, etc., etc. Et l'on veut que le peuple soit content et ne songe plus à rien, parce que la noblesse consent à payer comme lui. On veut que des générations nouvelles ferment les yeux aux lumières contemporaines et s'accoutument tranquillement à un ordre d'oppression que les générations qui passent ne pouvaient plus endurer. Laissons un sujet inépuisable et qui ne réveille que des sentiments d'indignation. Tous les impôts particuliers aux tiers seront abolis. Il n'en faut pas douter. C'était un étrange pays que celui où les citoyens qui profitaient le plus de la chose publique y contribuaient le moins. Où il existait des impôts qu'il était honteux de supporter et que le législateur lui-même taxait d'être avilissant. Quel pays que celui où le travail fait déroger, où il est honorable de consommer et humiliant de produire, où les professions pénibles sont dites viles, comme s'il pouvait y avoir autre chose de vil que le vice, et comme si c'était dans les classes laborieuses qu'il y a le plus de cette vilité, la seule réelle. Enfin, tous ces mots de taille, de franc-fief, d'ustensile, etc., seront proscrits à jamais de la langue politique. Et le législateur ne prendra plus un stupide plaisir à repousser cette foule d'étrangers que ces distinctions flétrissantes empêchaient d'apporter au milieu de nous leurs capitaux et leur industrie. Mais en prévoyant cet avantage et mille autres qu'une assemblée bien constituée doit procurer au peuple, je ne vois rien encore qui promette au tiers une bonne constitution. Il n'en est pas plus avancé dans ses demandes. Les privilégiés persistent à vouloir deux chambres et deux voix sur trois. Et ils soutiennent toujours que la négative appartient à chacune d'elles. Cinquième point, moyen terme proposé par les amis communs des privilégiés et du ministère. Le ministère craint par-dessus tout une forme de délibération qui donnerait la mort à toutes les affaires. Si du moins on pouvait s'accorder pour remplir le déficit, le reste ne l'intéresserait plus guère. Les ordres se disputeraient tant et aussi longtemps qu'ils le pourraient. Au contraire, moins ils feraient, plus le ministère se sentirait intact dans son ancienne autorité illimitée. De là, un moyen de conciliation que l'on commence à colporter partout et qui serait aussi utile aux privilégiés et aux ministères que mortel pour le tiers. On propose de voter par tête les subsides et tout ce qui regarde l'impôt. L'on veut bien ensuite que les ordres se retirent dans leurs chambres, comme dans des forteresses inexpugnables, où les communes délibéreront sans succès, les privilégiés jouiront sans crainte, pendant que le ministère restera le maître. Mais peut-on croire que le tiers donne dans ce piège? Le vote des subsides devant être la dernière opération des États généraux, il faudra bien qu'on se soit accordé auparavant sur une forme générale pour toutes les délibérations. Sixième point, on propose d'imiter la Constitution anglaise. Différents intérêts ont eu le temps de se former dans l'ordre de la noblesse. Elle n'est pas loin de se diviser en deux parties. Tout ce qui tient aux 300 ou 400 familles les plus distinguées soupire après l'établissement d'une chambre haute, à l'exemple de celle d'Angleterre. Leur orgueil se nourrit de l'espérance de n'être plus confondu dans la foule des gentilshommes. Ainsi, la haute noblesse consentirait de bon cœur à rejeter dans la chambre des communes le reste des nobles avec la généralité des citoyens. Le tiers se gardera par-dessus tout d'un système qui ne tendrait à rien moins qu'à remplir sa chambre de gens qui ont un intérêt si contraire à l'intérêt commun, d'un système qui le replacerait dans la nullité et l'oppression. Il existe à cet égard une différence réelle entre l'Angleterre et la France. En Angleterre, il n'y a de nobles privilégiés que ceux à qui la Constitution accorde une partie du pouvoir législatif. Tous les autres citoyens sont confondus dans le même intérêt. Point de privilège qui en fasse des ordres distincts. Si donc on veut en France réunir les trois ordres en un, il faut auparavant abolir toute espèce de privilège. Il faut que le noble et le prêtre n'aient d'autre intérêt que l'intérêt commun, et qu'ils ne jouissent, par la force de la loi, que des droits de simples citoyens. Sans cela, vous aurez beau réunir les trois ordres sous une même dénomination, ils feront toujours trois matières hétérogènes, impossibles à amalgamer. On ne m'accusera pas de soutenir la distinction des ordres, que je regarde comme l'invention la plus funeste à tout bien social. Il n'y aurait au-dessus de ce malheur que celui de confondre ces ordres nominalement en les laissant séparer réellement par le maintien des privilèges. Ce serait consacrer à jamais leur triomphe sur la nation. Le salut public exige que l'intérêt commun de la société se maintienne quelque part, pur et sans mélange. Et c'est dans cette vue, la seule bonne, la seule nationale, que le tiers ne se prêtera jamais à la confusion des trois ordres dans une prétendue chambre des communes. Il sera appuyé dans sa résistance par la petite noblesse, qui ne voudra jamais échanger les privilèges dont elle jouit pour une illustration qui ne serait pas pour elle. Voyez en effet comme elle s'élève en Languedoc contre l'aristocratie des barons. Les hommes en général aiment fort à ramener à l'égalité tout ce qui leur est supérieur. Ils se montrent alors philosophes. Ce mot ne leur devient odieux qu'au moment où ils aperçoivent les mêmes principes dans leurs inférieurs. Septième point, que l'esprit d'imitation n'est pas propre à nous bien conduire. Nous n'aurions pas tant de foi aux institutions anglaises si les connaissances politiques étaient plus anciennes et plus répandues parmi nous. À cet égard, la nation française est composée d'hommes ou trop jeunes ou trop vieux. Ces deux âges, qui se rapprochent par tant d'endroits, se ressemblent encore en ce qu'ils ne peuvent l'un et l'autre se conduire que par l'exemple. Les jeunes cherchent à imiter. Les vieux ne savent que répéter. Ceux-ci sont fidèles à leurs propres habitudes, les autres singent les habitudes d'autrui. C'est le terme de leur industrie. Qu'on ne s'étonne donc pas de voir une nation qui, à peine ouvre les yeux à la lumière, se tourner vers la Constitution d'Angleterre et vouloir la prendre pour modèle en tout. Il serait bien à désirer, dans ce moment, que quelque bon écrivain s'occupât de nous éclairer sur les deux questions suivantes. La Constitution britannique est-elle bonne en elle-même ? Lors même qu'elle serait bonne, peut-elle convenir à la France ? J'ai bien peur que ce chef-d'œuvre tant vanté ne pût soutenir un examen impartial, qui fût fait d'après les principes du véritable ordre politique. nous reconnaîtrions peut-être qu'il est le produit du hasard et des circonstances bien plus que des lumières. Sa chambre haute se ressent évidemment de l'époque de la Révolution. Nous avons déjà remarqué qu'on ne pouvait guère la regarder que comme un monument de superstition gothique. Voyez la représentation nationale comme elle est mauvaise dans tous ses éléments, de l'aveu des Anglais eux-mêmes. Et pourtant, les caractères d'une bonne représentation sont ce qu'il y a de plus essentiel pour former une bonne législature. Est-ce dans les vrais principes qu'a été puisée l'idée de séparer le pouvoir législatif en trois parties, dont une seule est censée parler au nom de la nation? Si les seigneurs et le roi ne sont pas des représentants de la nation, ils ne sont rien dans le pouvoir législatif, car la nation seule peut vouloir pour elle-même, et par conséquent, se créer des lois. Tout ce qui entre dans le corps législatif n'est compétent à voter pour les peuples qu'autant qu'il est chargé de leur procuration. Mais où est la procuration lorsqu'il n'y a pas élection libre et générale? Je ne nie pas que la constitution anglaise ne soit un ouvrage étonnant pour le temps où elle a été fixée. Cependant, quoi qu'on soit tout prêt à se moquer d'un Français qui ne se prosterne pas devant elle, j'oserais dire qu'au lieu d'y voir la simplicité du bon ordre, je n'y aperçois qu'un échafaudage prodigieux de précautions contre le désordre. Et comme tout est lié dans les institutions politiques, comme il n'est point d'effet qui ne soit l'origine à son tour d'une suite d'effets et de causes que l'on prolonge suivant qu'on est capable de plus d'attention, il n'est point extraordinaire que les fortes têtes y aperçoivent beaucoup de profondeur. Au reste, il est dans le cours ordinaire des choses que les machines les plus compliquées précèdent les véritables progrès de l'art social comme de tous les arts. Son triomphe sera pareillement de produire les plus grands effets par les moyens les plus simples. On aurait tort de décider en faveur de la Constitution britannique, et précisément parce qu'elle se soutient depuis 100 ans, et qu'elle paraît devoir durer pendant des siècles. En fait d'institutions humaines, quelle est celle qui ne subsiste pas très longtemps, quelque mauvaise qu'elle soit? Le despotisme ne dure-t-il pas aussi? Ne semble-t-il pas éternel dans la plus grande partie du monde? Une meilleure preuve est d'en appeler aux effets. En comparant sous ce point de vue le peuple anglais avec leurs voisins du continent, il est difficile de ne pas croire qu'ils possèdent quelque chose de mieux. En effet, ils ont une constitution tout incomplète qu'elle peut être, et nous n'avons rien. La différence est grande. Il n'est pas étonnant qu'on s'en aperçoive aux effets. Mais il y a sûrement de l'erreur à attribuer au seul pouvoir de la constitution tout ce qu'il y a de bien en Angleterre. Il y a évidemment telle loi qui vaut mieux que la constitution elle-même. Je veux parler du jugement par juré, le véritable garant de la liberté individuelle en Angleterre et dans tous les pays du monde où l'on aspirera à être libre. Cette méthode de rendre la justice est la seule qui met à l'abri des abus du pouvoir judiciaire, si fréquents et si redoutables, partout où on n'est pas jugé par ses pairs. Avec elle, il ne s'agit plus, pour être libre, que de n'avoir plus rien à craindre des ordres illégaux qui pourraient émaner du pouvoir ministériel. Il faut pour cela ou une bonne constitution, l'Angleterre ne l'a point, ou des circonstances telles que le chef du pouvoir exécutif ne puisse pas soutenir à force ouverte ses volontés arbitraires. On voit bien que la nation anglaise est la seule à qui il soit permis de n'avoir pas une armée de terre redoutable pour la nation. C'est donc la seule qui puisse être libre sans une bonne constitution. Cette pensée devrait suffire pour nous dégoûter de la manie d'imiter nos voisins et pour nous engager à consulter plutôt nos besoins et nos relations. Cette constitution que nous ne cessons d'envier n'est pas bonne parce qu'elle est anglaise, mais parce qu'à des défauts trop réels, elle joint des avantages précieux. Si vous tentez de la naturaliser parmi vous, il n'est pas douteux que vous n'en obteniez facilement les défauts, parce qu'ils seront utiles au seul pouvoir de qui vous auriez à craindre quelque obstacle. En aurez-vous les avantages? Cette question est plus problématique, parce que vous rencontrerez alors un pouvoir intéressé à vous empêcher d'accomplir vos désirs. Enfin, pourquoi envions-nous la constitution anglaise? Parce qu'apparemment, elle se rapproche des bons principes de l'État social. Elle est, pour juger les progrès en tout genre, un modèle du beau et du bon. On ne peut pas dire que ce modèle dans l'art social nous soit moins connu aujourd'hui qu'il ne l'était aux Anglais de 1688. Or, si nous avons le vrai type du bon, pourquoi nous en tenir à imiter une copie? Élevons-nous tout d'un coup à l'ambition de vouloir nous-mêmes servir d'exemple aux nations? Aucun peuple, dit-on, n'a mieux fait que les Anglais. Et quand cela serait, les produits de l'art politique ne doivent-ils être à la fin du XVIIIe siècle que ce qu'ils ont pu être dans le XVIIe? Les Anglais n'ont pas été au-dessous des lumières de leur temps. Ne restons pas au-dessous des lumières d'une autre. C'est ainsi qu'on imite, quand on veut se montrer digne, de marcher sur les traces des bons modèles. Surtout, ne nous décourageons pas de ne rien voir dans l'histoire qui puisse nous convenir. La véritable science de l'état de société ne date pas de loin. Les hommes ont construit longtemps des chaumières avant d'être en état d'élever des palais. Il y a de bonnes raisons pour que l'architecture sociale ait été plus lente dans ses progrès que cette multitude d'arts qui s'associe parfaitement avec le despotisme.